L'exposé national des sciences et techniques des secteurs de soudage et de matériaux métalliques s'est tenu les 22 et 23 à l'Institut de soudage de l'Académie nationale des sciences sous les auspices du Comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée à l'occasion du 40e anniversaire de la fondation de l'Institut de soudage de l'Académie nationale des sciences. Y ont pris part les scientifiques, techniciens, enseignants, membres de doctorat, étudiants et les ingénieurs. Lors de l'exposé, divisé en secteurs de soudage et en secteurs de matériaux métalliques, ont été présentées plus de 130 thèses de valeur sur les expériences et les réalisations scientifiques et techniques remportées dans les efforts pour maîtriser la technique de pointe. Les diplômes et primes ont été remis aux meilleures thèses.